Fiez-vous-y, le Charles d'Orléans, enregistré pour LibriVox par Caviraf. Fiez-vous-y. À qui? En quoi? Comme je vois, rien n'est sans si. Ce monde-ci a si peu foi. Fiez-vous-y. Plus je n'en dis, n'écris. Pourquoi? Chacun j'en crois s'il est ainsi. Fiez-vous-y. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Fiez-vous-y, de Charles d'Orléans, enregistré pour LibriVox par Nadine Eckert-Poulet. Fiez-vous-y. À qui? En quoi? Comme je vois, rien n'est sans si. Ce monde-ci a si peu foi, fiez-vous-y. Plus je n'en dis, n'écris, pourquoi? Chacun j'en croit, s'il est ainsi, fiez-vous-y. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Fiez-vous-y, de Charles d'Orléans, enregistré pour LibriVox par Ezoa, en Belgique, en janvier 2011. Fiez-vous-y. À qui? En quoi? Comme je vois, rien n'est sans si. Ce monde-ci a si peu foi, fiez-vous-y. Plus je n'en dis, n'écris. Pourquoi? Chacun j'en croit s'il est ainsi, fiez-vous-y. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Fiez-vous-y, de Charles d'Orléans, enregistré pour LibriVox par Corey Samuel. Fiez-vous-y, à qui, en quoi, comme je vois, rien n'est sans si. Ce monde-ci, assis, parfois, fiez-vous-y. Plus je n'en dis, n'écris, pourquoi, chacun, j'en crois, s'il est ainsi, fiez-vous-y. Fin de poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Fiez-vous-y, de Charles d'Orléans, enregistré pour LibriVox par Amy Graymore. Fiez-vous-y, à qui, en quoi? Comme je vois, rien n'est sans si, ce monde-ci, a si parfois. Fiez-vous-y, plus je n'en dis, n'écris pourquoi, chacun je crois, s'il est sans y, fiez-vous-y. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Fiez-vous-y de Charles d'Orléans, enregistré par LibriVox par Anne. Fiez-vous-y, à qui, en quoi, comme je vois, rien n'est sans si. Ce monde-ci, assez, parfois, fiez-vous-y. Plus je n'en dis, n'écris pourquoi. Chacun, j'en crois, s'il est ainsi, fiez-vous-y. Fin de poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public.